Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode ou nouvel opus de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui une invitée très spéciale qui nous a fait voyager avec nos appareils électroniques et qui nous a appris comment travailler dans un abattoir à poulets. Je suis très honorée d'accueillir aujourd'hui Lucie Rico. Les lecteurs vous ont découvert en 2020 avec votre premier roman, donc Le chant du poulet sous vide. Votre regard sur l'élevage de poulets, qui est à peu près comme une croyance, j'ai trouvé ça assez acéré. Comment en vient-on à écrire un tel roman ou un conte, parce que pour moi c'était un conte, sur les gallinacées? Oui, c'était un premier roman assez étrange qui m'est venu, je crois, de mes études de communication où un expert en communication de crise de chez Charal était venu et nous avait raconté que pour donner envie aux gens de manger de la viande, il fallait inventer des contes, justement. D'accord. Alors, le premier conte, c'était que la viande rendait fort. Ouais. C'est un conte auquel j'avais toujours cru, en fait, dans lequel j'ai été élevée. Et le conte qui marchait bien, nous disait-il, la nouvelle génération, c'était celui de l'authenticité. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça terriblement cynique et bien résumé toutes nos contradictions. Et donc, en fait, c'est parti de là, ce désir d'écriture. D'accord. De faire quelque chose de complètement décalé sur les injonctions marketing qui sont les nôtres. Et donc, j'avais besoin de personnages romanesques et je me suis dit que les poulets pouvaient être des personnages romanesques assez fascinants et assez drôles. C'est très drôle et en même temps presque dramatique. Alors oui, moi, je ne spoile pas parce que c'est pour faire découvrir évidemment les romans. Mais moi, j'avais choisi votre livre justement à cause du titre, uniquement à cause du titre. J'avais même pas lu le quatrième de couverture. Je trouvais que le titre était déjà, vous savez, un peu mystérieux. Je me suis dit, moi, j'ai envie d'aller plus loin. Et c'était une super découverte. Merci. Oui, alors, c'est vrai qu'il est assez terrible. Ah oui, il est très. Temps. Alors, GPS, votre deuxième roman est complètement différent, mais il nous démontre également notre dépendance à tout ce qui est géolocalisation, nos portables, bien sûr. Et en lisant GPS, moi, j'ai eu l'impression de vivre un huis clos avec moi-même, en fait. C'est-à-dire d'être pendant tout au long du roman avec le portable à la main. Est-ce que vous-même, alors, vous êtes très dépendante de ces appareils, et est-ce que quelque part, vous ne faites pas un peu une satire justement de cette dépendance-là, avec le signal qui clignote, tant que ça clignote tout va bien, c'est quand ça clignote plus que tout va mal en fait. Complètement, oui. Je suis complètement, c'est pour ça que je me garderais bien de dire que je fais la critique des nouvelles technologies parce que bon... Je vous rassure, on est 105% toujours... dans ce cas-là. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. Mais, oui, moi je suis, en plus j'ai aucun sens de l'orientation non plus, donc je suis tout le temps avec mon téléphone à la main. Et alors ça tire, oui, et en même temps, ça partait de moi, comme le premier d'ailleurs. Les choses qui me posent question dans ce que je fais et ce que je fais un peu malgré moi. Et le téléphone, c'est vraiment malgré moi, c'est devenu un automatisme. Oui. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, qu'est-ce que c'est finalement ? Notre rapport au monde dépend complètement de cet appendice que l'on a greffé à nous. C'est parti de ça, donc oui, de cette étrangeté, de cette bizarrerie qu'est le téléphone pour nous et ce que c'est devenu. Mais je voulais pas traiter la technologie comme quelque chose de froid, mais plutôt interroger une relation, et là une relation d'amitié, à partir de cette technologie. En fait, qu'est-ce qu'on voit des autres à partir de... d'une interface ? Et puis en plus, on considère que le téléphone a la vérité... Enfin, la vérité suprême, quoi. Je veux dire, on dit, OK Google, est-ce qu'un tel est né en telle année ? S'il nous dit non, on dit, ouais, c'est vrai, je me suis trompée, quoi. À aucun moment, on remet en cause ce que nous dit cet appareil. Et oui, ça m'a ouvert les yeux. À la fois de l'image. Oui, ça m'a ouvert les yeux sur l'utilisation que j'en fais aussi, parce que après on peut élargir sur par exemple les réseaux sociaux, un tel se montre sur une plage à Bali, on se dit ouais, il a trop de la chance, il est heureux, enfin il y a plein de choses comme ça, et en fait votre roman, à mon sens, est le détonateur ou la pierre angulaire de mais c'est quoi toute cette dépendance qu'on nous a inculquée et qu'on s'auto-flagelle en fait quelque part avec ça. Je trouve ça... Oui, et on a l'impression de voir une vérité, alors qu'en fait, ce n'est que qu'un faux semblant, qu'un trompe-l'œil. Et je crois que tout le livre est construit en trompe-l'œil. Donc, je voulais vraiment, C'est vraiment voilà. Chouette, parce qu'en plus, vous êtes dans votre réflexion, c'est complètement décalé, en fait. J'aime beaucoup, d'ailleurs, GPS pour ça, parce que, justement, l'héroïne du roman dit « Bon, bah, tant que ça clignote, c'est bon, elle est dans le coin. » Mais en fait, ça veut rien dire. Oui, c'est ça. Non, et ça, c'est drôle, d'ailleurs, dans les retours de lecture, parce que certaines personnes, voilà, y a un trouble aussi dans le livre. Oui. On ne sait pas trop qui est derrière le point, oui. Finalement, sans rien révéler. Mais et la moitié des lecteurs continue à suivre le point, les autres suivent le personnage principal. Ouais. C'est-à-dire que personne ne l'interprète de la même manière. Non. Et ça, je trouve ça intéressant sur notre rapport à la technologie, ceux qui choisissent de prendre le parti de la technologie et d'autres d'une narratrice qui ne va pas très bien et qui la suivent dans son interprétation du monde. Oui. Mais voilà, je ne sais pas si c'est très clair parce que je ne veux pas raconter si, trop de choses. Si, alors moi qui l'ai lu, c'est ça, très ça clair. Ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Passer des jours à te faire des chansons d'amour, au piano toutes mes gammes, au stylo tout mon game. Jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème pour te déclarer mon flamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane. Tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes draps. T'as rallumé la flamme, mais comme jamais je crame, oui comme jamais. Sarah en compagnie de son invitée Lucie Rico pour la deuxième partie de Caprice de lecture. Troisième question. Alors moi j'ai appris en préparant l'interview que vous enseignez également la création littéraire. Tout à fait. Alors que vous disent vos élèves en fait après ces deux romans qui connaissent un succès. Moi j'aime beaucoup votre façon d'écrire qui est justement en dehors des codes et des cases. Moi j'adore ça. Vos élèves alors qu'ils soient adultes ou jeunes adultes ou moins ou adultes plus âgés, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'ils pensent de vos romans et qu'est-ce qu'ils vous en disent? Alors ça, il faudrait leur demander, parce que qu'est-ce ils qu'ils pensent de mes romans, en tout cas, je ne sais pas. Non, mais... Alors moi, je leur dis que c'est bien qu'ils les lisent, juste pour savoir, parce que je fais des retours sur leur création, c'est ça mon poste. Ouais. En fait, moi, j'ai fait un master de création littéraire, okay. Et là, maintenant, j'y enseigne. Et tout le truc, c'est de faire des retours en groupe sur le texte des autres, pour avoir un recul critique. D'accord. Aussi sur son propre texte. Donc je leur dis, si vous lisez mes livres, vous saurez aussi de quelle conception de littérature je parle, d'où je parle. Mais par contre, je leur demande pas de retour dessus parce que je pense que ce serait gênant. Mais certains m'en font et c'est des retours positifs en général. Ouais. Après, le pense-t-il ou le disent-ils pour, je sais pas. Ouais. Je sais pas, mais en tout cas, non, mais voilà, j'essaye de pas trop mélanger mélanger les rôles. En même temps, j'y suis en tant qu'écrivain oui. dans ce master. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est assez troublant de s'adresser à eux. Ouais, moi, je pensais qu'en fait, quand ils avaient lu vos romans, ou s'ils avaient eu la chance de les lire, ou un des deux, ils vous en faisaient un retour de manière spontanée, en fait. Oui. Non, assez rarement. Ah ouais, c'est marrant. Parce que j'essaye de couper un peu ça, parce que ça met dans des situations un peu particulières. Ouais. Par exemple, si je dirige leur mémoire, et quand je dirige un mémoire dans lequel je pourrais être dans le corpus, par exemple. Ouais, je comprends. Il faut rester très objective et qu'il n'y ait pas de parti pris. Et ouais, je peux comprendre. C'est ça. Ok. Puis moi, j'essaye de leur faire des retours en fonction de eux, ce qu'ils veulent faire, et pas forcément ce que moi j'aime dans la littérature, d'accord, mais plutôt essayer de les pousser aussi loin dans leur conception. Et donc, si je commence à partir sur ma conception de la littérature, ça va biaiser les choses. Ça risque de troubler. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, j'essaye de faire ça. Mais cette année, c'est intéressant parce que je suis dans le prix France Culture Télérama. Oui. Et donc, y a plein d'étudiants qui me font des retours, et ça, c'est assez passionnant. Et c'est vrai que c'est pas trop les mêmes retours, cette tranche d'âge aussi, que d'autres tranches d'âge. Là, j'ai vu des lycéens, j'ai vu des étudiants et des personnes adultes. Ouais. Et c'est pas toujours les mêmes retours, et notamment dans le rapport à la technologie. Ah, ouais. Ou en tout cas, les premiers retours d'étudiants que j'ai eus, c'est des gens qui se méfiaient beaucoup de ce point rouge dans mon livre. Ouais. Et ça m'a intéressée, qui était beaucoup plus du côté d'Ariane que de celui du point rouge. Ouais. Le dire. Donc ça, c'est peut-être quelque chose en rapport à la technologie que je trouve assez intéressant. Ouais. Ok. Alors, vous écrivez également des films, j'ai vu. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Vous avez un profil complet, quoi. Complet, je sais pas. Je dessine très mal. Vous écrivez super bien. Vous faites de la création littéraire. Vous écrivez des films. Je vais être jalouse. Non, je rigole. J'aime bien danser. Non, mais sinon je suis. À part ça, ça va bien dans ma vie. D'accord. Les films, oui. En fait, j'ai commencé par l'écriture de scénario. D'accord. Alors, des courts-métrages, des moyens-métrages. J'ai aussi réalisé 4 petits courts-métrages et un moyen-métrage. Ok. Et une petite série d'angoisse qui s'appelle Kraken. Ouais. Et en fait, j'aime bien ce côté collectif de l'écriture, sortir un peu de soi, parce que c'est vrai qu'un écrivain, d'ailleurs mon livre pourrait être presque une métaphore de l'écriture, on est quand même seul chez soi à se demander quel monde on est en train de créer pendant des heures et des heures. Dans le cinéma, on peut pas faire ça. On est toujours en contact avec d'autres gens et on crée un univers qui va aussi rassembler en salle, etc. Donc ça, j'aimais bien. Et j'ai fait des films de commande, notamment des comédies et des films d'horreur, parce que je suis beaucoup dans le film de genre. C'est quelque chose qui m'intéresse, de comment, par la sensation, que ce soit la peur ou le rire, on arrive à faire passer des idées. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'aime, et même dans mon écriture littéraire, j'essaye de faire passer ça. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment partir la sensation, toujours, d'une étrangeté. Ça, c'est bien. Enfin, du coup, ça donne envie, quoi. Voilà, de découvrir. Mmh. Ah oui. Je sais pas si. En fait, j'ai du mal à montrer mes films. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je les considère plus privés que mes livres. C'est étrange. Hein. Alors que c'est une œuvre beaucoup plus collective. Ouais. J'ai beaucoup moins de mal à présenter mes livres que mes films. Alors qu'on pourrait penser que le livre, c'est quelque chose de plus intime, parce que vous êtes. Je pense toujours que dans un livre, on se livre aussi un peu soi-même. Quelque part, il y a toujours un peu de soi dans une écriture. Et c'est vrai que votre réaction pourrait surprendre si vous êtes plus à l'aise à présenter un livre qu'un film, effectivement, qui est beaucoup plus collectif, en fait. Ouais. Oui, et ça, je vais analyser pourquoi. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Ouais. Mais mon premier, je me suis beaucoup méfiée du réel pour écrire. J'essayais justement de pas du tout être avec le réel, le champ de coulée sous vide. J'y ai mis aussi peu de moi que je ne pouvais, si ça, évidemment, ça mais sort quand de même moi, une partie mon de vous, écriture. Bien sûr. Ouais. Mm-hmm. Il y a une partie de moi, mais je la refusais un peu. Et GPS est beaucoup plus proche de moi, oui. Ouais. Okay. Même si je ne suis pas le personnage principal, heureusement. Je ne sais pour pas. Moi. Je ne veux pas savoir. je tiens à le dire, ce n'est pas moi. Comme elle est quand même, elle va pas très très bien. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup plus de moi, je pense, dans GPS. Ouais. Il y a peut-être aussi une maturité dans l'écriture. Il y a peut-être des choses aussi qui sont intervenues quelquefois. Oui. Dans notre vie privée, il y a des choses qui interviennent, qui nous font peut-être grandir ou par certains aspects ou évoluer sur d'autres choses. Ça joue beaucoup, je pense, aussi. Voilà. Oui, je l'ai vraiment senti pour le deuxième. Ouais. Et puis le premier, il y a une espèce d'innocence et de pouvoir de la fiction. Je croyais beaucoup au pouvoir de la fiction. Et en fait, dans le deuxième, ce sont d'autres procédés d'écriture et une autre écriture, je pense. Mmh. Donc, j'ai travaillé différemment. Ouais. Donc voilà, j'ai ce rapport-là à mes livres. 14 ans, première fois je m'en rappelle. J'ai des crampes au ventre, une humeur de merde. Tous les mois c'est pareil, il y a les jours sans, les nuits sans sommeil. C'est où on apprend qu'on va vivre avec les mauvaises nouvelles. Ouh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines. Peut-être à perdre ce qu'on aime. 17 ans, première rupture. Même s'il était temps, mon premier amour, c'est fini, c'est dur et d'autres soucis. Mais tout finit par passer. Ainsi va la vie. Même quand mon cœur s'était déchiré. Toujours à tout, même aux peines, même aux gênes, même à nous, on s'habitue toujours à tout, sauf peut-être à perdre ce qu'on aime. Toutes les fleurs, un jour on se ferme. Pourtant ça fait mal quand s'arrête un cœur. Et moi j'ai grandi, mais malgré le temps passé, jamais je n'oublie ceux qui sans prévenir nous avaient quittés. Oh, on s'habitue toujours à tout. C'était Angèle sur Fadjet avec On s'habitue. Voici la troisième et dernière partie de l'émission Caprice de lecture. On retrouve Sarah en compagnie de son invitée Lucie Rico. Quels sont vos projets pour 2023? Est-ce qu'il y a un troisième roman en vue ou... Non mais le problème, quand on a commencé avec vous, on ne veut pas que ça s'arrête. Parce que vous écrivez des choses très différentes. Très très différente, très addictive sur les deux romans Le chant du poulet sous vide et GPS. Moi je voulais impérativement savoir comment ça allait se terminer, donc ça devient très addictif en fait. Et c'est un style que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on m'amène à avoir envie de connaître encore plus loin et toujours plus loin. Et forcément, quand j'ai refermé GPS, je me dis quand le troisième? Ouais. Et j'y travaille. Merci beaucoup déjà. Et j'y travaille très activement même. Et j'ai. Voilà. C'est... Moi aussi, en fait, j'ai envie de savoir la suite. C'est pour ça que je continue à écrire d'ailleurs. Ouais. C'est que j'aime le travail comme ça, avec du suspense. Et vous rencontrez votre public en plus. C'est-à-dire le public est au rendez-vous sur ce genre de littérature. Ben oui. Voilà. Oui, là, c'est vrai que c'était assez surprenant parce que le deuxième roman, on sait que c'est. Enfin, voilà, c'est compliqué un deuxième roman. Et je suis quand même très contente des réactions que suscite le livre. Ouais. Et du dialogue même du dialogue que je peux avoir avec les gens sur le livre, parce que c'est vrai que c'est un pari un deuxième roman, surtout quand c'est pas tout à fait la même chose que le premier. Ouais, mais en même temps c'est parce que c'est pas la même chose, je pense aussi. Oui. Vous voyez, je pense que si vous aviez fait peut-être une même construction que Le chant du poulet sous vide, mais là c'est tellement différent, et c'est aussi pour ça que, alors moi je parle en mon nom, c'est aussi pour ça que j'attends un troisième, parce que je me dis mais comment elle va nous surprendre maintenant avec le troisième, vous voyez. J'aime bien. En tout cas là j'y travaille, c'est encore plus un polar je crois que celui-ci. D'accord. En tout cas il y a vraiment une énigme à résoudre. Ouais. Et c'est ça se passe en Italie. Et je vous en dis peut-être pas d'accord. Plus. Je reste. Et c'est un homme cette fois. Je reste en état d'attente avancée. Très bien. Narrateur est un homme. Ok. Voilà. Ah, c'est bien, on va changer un peu de perspective en plus. C'est chouette. Exactement. Ouais. Le caprice de la semaine. Est-ce que vous pourriez nous conseiller un livre que vous avez aimé? Un livre que j'ai aimé. Ouais. Alors là, je suis présentement chez une autrice que j'aime beaucoup parce qu'on travaille ensemble. Okay. C'est Mathilde Forget. D'accord. Et je pourrais vous conseiller ces deux livres. Et le premier, À la demande d'un tiers. Ok. Qui est un magnifique roman qui est sorti il y a 3 ans et demi. Ok. Il faut que je vous en parle. Oui. Juste en quelques mots, nous dire c'est quoi l'histoire et pourquoi vous avez aimé. Alors, pourquoi j'ai aimé ce livre? Parce que je... en fait, elle est à côté de moi, alors ça m'impressionne. C'est gênant. Alors, du coup, n'en parlez pas, vous donnez juste la référence et c'est tout. Voilà. Je vous donne juste cette référence, mais je le conseille vraiment okay. Voilà, à tout le monde. C'est un livre qui m'a vraiment bouleversée. Enfin, voilà, je parlais de la sensation. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une écriture de la sensation et en même temps qui fait réfléchir aussi notamment à ce qu'est la folie. Okay. Et je trouve que pour ça, c'est sublime voilà, d'être à la fois dans une pensée et une sensation. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Lucie. J'étais ravie de vous avoir avec nous en enregistrement, mais avec nous. C'était vraiment génial. Je vous laisse travailler au troisième roman, bien sûr. Hein. Et je vous souhaite un très bel après-midi. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne journée. Merci. C'était Caprice de lecture, présenté par Sarah en compagnie de son invitée Lucie Rico. Retrouvez cette émission podcast sur notre site fadjet.net, page de l'émission Caprice de lecture.